schermita ti serro palpitante, sei mia. Sì, per l'amore. Vieni, vieni, via dall'anima in me. 感受音乐与歌声的交响，聆听舞蹈与旋律的对话，请进北京音乐广播古典音乐频道有线调频98.6兆赫歌舞剧场，每天10点、22点播出。

l'étreinte, le désistre tenter avec un éclat métallique. Et sur cette étrange musique, les dingues grillées la se lever. Tambour de basse calé le train et les guitares forcenées, grincées sous des mains obstinées, et mes chansons et mes refrains. Mais mes chansons, mes mires 这里是歌舞剧场，感谢您的收听，欢迎继续关注北京音乐广播古典有限频道下面的精彩节目。